Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Norman Bethune, médecin, idéaliste et globe-trotteur. Il n'était pas le plus grand chirurgien dans mon expérience, mais il était un homme qui était toujours original, dans la chirurgie comme dans la vie. Si on se fie au témoignage du célèbre neurologue montréalais Wilder Penfield, son collègue Norman Bethune était donc d'abord et avant tout un original. Original en médecine, c'est vrai, on lui doit entre autres l'amélioration et l'invention de nombreux instruments chirurgicaux. Original dans la vie, c'est aussi vrai, Norman Bethune avait à la fois un côté mondain, en même temps qu'il aimait choquer la bonne société bourgeoise de son temps. Mais ce qu'on retiendra évidemment surtout de Norman Bethune, c'est son engagement pour une médecine sociale au service des plus défavorisés et son irrépressible besoin de se joindre au combat révolutionnaire où qu'il soit, que ce soit dans l'Espagne des années 30 ou dans la Chine pré-révolutionnaire de Mao. Le 12 novembre 1939, dans les montagnes du nord de la Chine, le docteur Bethune est mort à son poste. Son exemple éclaire notre chemin. Norman Bethune, médecin du peuple, cherchait la cause de la maladie. Il l'a trouvée, c'est le capitalisme. Bethune est devenu populiste. Camarades, suivons son exemple. Norman Bethune, c'était un homme de la génération des Churchill, des De Gaulle, des Mao, des Ho Chi Minh, la génération aussi des Staline, des Hitler. En somme, une génération de gens qui ne faisaient pas les choses à moitié, ni dans le mal, quand ils s'orientaient de ce côté-là, ni dans le bien. Ils ne faisaient pas les choses à moitié. Il y avait une sorte de foi, de confiance épouvantable en la vie qui me semble avoir été perdue. Alors Bethune était de cette génération-là. Des gens qui prenaient toujours le taureau par les cornes. Puis pour Bethune, le taureau, c'était les problèmes médicaux, d'abord. Rejoignant le peuple chinois à la veille de la révolution, il a sauvé son sang si précieux en menant la médecine au fond. Camarades, suivons son exemple. Le journaliste Jean Paré, qui a traduit une biographie de Norman Bethune à l'émission Présent 1973 sur une chanson en hommage à Norman Bethune que l'on retrouve sur un disque de la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada produit en 1980. Pour nous décrire cet homme au parcours hors du commun qu'a été Norman Bethune, mon invité est Jean-François Leclerc, qui est directeur du Centre d'histoire de Montréal, qui a organisé, il y a quelques années, une exposition sur Norman Bethune. Jean-François Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Ce qui est étrange ou particulier avec Bethune, déjà, c'est qu'il est Canadien, mais qu'il est probablement plus connu aujourd'hui encore en Chine qu'au Canada. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il représente pour les Chinois? Alors, pour les Chinois, c'est le parfait héros, et c'est surtout un étranger, c'est l'exemple parfait d'un étranger qui a vraiment adopté la cause de la Révolution et qui surtout a été un médecin héroïque qui, au moment où la 8e armée de route de Mao Tse-tung se battait, on était dans une situation où Chiang Kai-shek, il y avait des conflits internes, les Japonais avaient envahi la Chine, donc de façon extrêmement grave. Guerre sino-japonaise, c'est ça le contexte. Qui faisait que, bien évidemment, il y avait des besoins énormes en termes médicaux. Donc, Bethune a été celui qui a à la fois voulu former les Chinois pour qu'ils deviennent autonomes eux-mêmes, former des infirmières, des médecins sur le front. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Et en même temps, il a lui-même opéré des centaines et des centaines de personnes. C'est un médecin extrême, si on peut dire, en termes de performance. Ce qui fait que c'est un demi-dieu. Et encore aujourd'hui, là, il y a des hôpitaux qui portent son nom. Mais c'est quelqu'un... il a presque ce statut de demi-dieu en Chine. C'est un héros et un saint. Un saint comme on en a dans le catholicisme, mais un saint communiste. Et ce qui l'a aidé beaucoup. beaucoup, c'est que Mao Tse-tung, quelques jours après sa mort, a écrit un poème, un texte, qui est devenu un texte incontournable dans l'éducation nationale de tous les Chinois. Donc, ouais. Plusieurs générations de Chinois l'ont appris par cœur et pouvaient le réciter très bien. Parlons de l'homme. J'en parlais au tout début de l'émission comme d'un idéaliste, d'un globe-trotteur. On pourrait assez facilement rajouter le qualificatif d'humaniste à cette description-là. Qu'est-ce qu'il décrit le mieux, cet homme-là? Bien, humaniste, certainement, on pourrait dire même internationaliste, parce que c'est quelqu'un qui, par son histoire, bon, par son père, il est très canadien, vieille, plusieurs générations de Canadiens, dont certains avaient travaillé à la Compagnie du Nord-Ouest, les fourrures, hein, la mythologie canadienne traditionnelle. Par sa mère, il est anglais, mais c'est surtout ses deux parents étaient des missionnaires. Donc, l'humanisme est ancré dans un christianisme extrêmement actif, comme on en trouve encore chez plusieurs confessions protestantes. Dans son cas, c'était le presbytérianisme. Donc, c'est la foi, mais une foi très active et prosélytique. Et internationaliste, vous faites bien de le dire, parce que, puis on va le voir dans son parcours, mais il va aller en Chine, bien sûr, il va aller en Espagne, et il va aller en URSS assez tôt. Il est curieux et il va partout où il sent qu'il y a une révolution à faire. C'est un peu ça. Il travaille pour les humains. Et pour lui, d'être dans une ville ou dans une autre, on sent que ça n'a jamais été si important. C'est plutôt l'amour qui l'amène d'un endroit à l'autre, mais sinon, c'est sa passion pour la révolution, c'est-à-dire comment on peut aider les hommes à se transformer, comment on peut vaincre surtout le fascisme qui était la grande menace à l'époque. L'aspect original de l'homme, Wilder Penfield, qui a été son collègue, disait c'est un original, c'est un chirurgien original, c'est un homme original. C'est vrai qu'il a un côté excentrique, mondain, je le disais. En même temps, il aime ça choquer, cette société bourgeoise de son temps. Oui, Béthune a ça dans le sang parce que son grand-père était un original. Son père a été un aventurier avant de se marier avec une missionnaire, ce qui l'a un petit peu calmé. Et ensuite de ça, ben, il est en opposition avec son père. Donc, je pense que si on fait de la psychologie un petit peu simpliste, mais quand même, ça a influencé sa vie. Il a toujours été en opposition avec les autorités. Il voulait toujours se démarquer. Donc, à la fois, un petit côté colonel militaire parce qu'il a été... très, très longtemps associé à l'armée, au grand conflit. Très autoritaire dans un bloc opératoire, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Irascible. Donc, ce côté-là, donc, c'est un personnage qui aimait choquer puis qui avait à la fois les deux côtés un peu rigide d'une certaine façon, puis en même temps, qui aimait choquer par ses vêtements, sa fréquentation des femmes, et qui voulait surtout pas être comme la bonne société dont il venait lui-même, d'une certaine façon, en Ontario. Et qui arrivait, juste pour donner un exemple, mais ça fait image, qui se présentait à l'hôpital avec une chemise à carreaux, une chemise de chasseur, une chemise de bûcheron, tout simplement, choquer un peu ses collègues. Ou qui décidait d'arriver en short, en sandales. Pour lui, la presse vestimentaire, c'était absolument secondaire. C'était un humaniste et peut-être un humain profondément dans ce sens-là. Revenons sur son parcours qui est vraiment assez exceptionnel. Il y a une dimension qui va être importante tout au cours de sa vie. Vous l'avez déjà évoqué, c'est le front, la médecine de guerre. Ce sera très, très important. Et dès la Première Guerre mondiale, il va se retrouver sur le front. La Première Guerre mondiale, on sait beaucoup pour les Canadiens anglais, pour le monde entier, mais c'est un événement extrêmement important, un point tournant. Les Canadiens anglais sont encore très attachés à la couronne britannique. Et on peut dire que Béthune est un patriote britannique, d'une certaine façon. Dès le début du conflit, il va se précipiter, il va laisser ses études en médecine qu'il avait commencé, et il va se précipiter pour devenir brancardier. Il va l'être en France et en Belgique, va être blessé à la deuxième bataille d'Ypres, et donc va connaître, comme disait lui-même, j'ai connu non pas la gloire de la guerre, mais plutôt les horreurs. Et dès ce moment-là, il va avoir un sentiment un peu ambivalent, à la fois dégoûté par cette horreur-là, voulant aider, mais en même temps fasciné et électrisé. Il va toujours rechercher tout le long de sa vie, cette proximité avec la mort, avec les émotions extrêmes qui le font sentir vivant. Et ça va être une constante dans toute sa vie. Il va revenir parce que blessé, il va être soigné en Angleterre, il va revenir au Canada. L'anecdote est belle, il croise une femme une fois qu'il est de retour au Canada. La guerre n'est pas finie. Une femme le croise, voit ce beau jeune homme en pleine forme et lui reproche de ne pas être au front. Il fait ni l'une ni deux. Il y retourne. Exactement. Alors ça, c'est l'orgueil. Il y a plusieurs personnes qui vont dire de Béthune qu'il était quelqu'un d'assez égocentrique. Évidemment, ce n'était pas ses amis nécessairement qui disaient ça, mais peut-être pas non plus. Certains amis devaient le dire. C'était une personnalité très forte. Et donc, piqué au vif, il va se rembarquer pour être assistant chirurgien dans un navire de la marine britannique. Et il va se retrouver comme ça, mais un petit peu avant la fin de la guerre quand même. Il revient au Canada après la guerre, il crée son cabinet à Stratford, en Ontario. On commence à le connaître un peu, le bonhomme, là, depuis quelques minutes qu'on vous entend. Évidemment, ça marche pas. Il tient pas en place. Stratford, ça n'a aucun sens pour lui. Il retourne en Europe, étudier, compléter sa formation à Édimbourg. Et là, il rencontre l'amour. Oui, l'amour, bon, évidemment, l'amour, c'était pas la première fois qu'il les rencontrait, mais cette fois-là, c'est un amour très profond. Et c'est avec une femme de la haute société écossaise, il va la connaître à Londres pendant une fête, sûrement, bien arrosée peut-être. Et donc, cette femme-là, il va décider de la marier. Et Frances Penny, donc, va être le grand amour de sa vie. C'est une femme qui est intelligente, qui est belle, mais qui est introvertie. Alors, imaginez avec un homme qui est tout son contraire. Ouais. Donc, on va assister à une passion qui va faire que ce couple-là va se marier, divorcer, quelques années après, se remarier, redivorcer, et tout ça dans un esprit de conflit, de fête, absolument. Et ce que Béthune avait dit à sa femme le jour de son mariage, il lui dit « Je peux te rendre la vie misérable, mais tu ne t'ennuieras jamais avec moi. Ouais. » Alors ça, c'est tout Béthune. Mais la misère l'emportera sur le manque d'ennui, parce qu'à un moment donné, ce mariage-là se termine. Il va, en 1926, et ça va être fondamental pour lui, contracter la tuberculose. Point tournant pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est important et qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Alors, jeune homme ambitieux qui aime le luxe. Hein? On a parlé de l'humaniste. C'est un homme qui aime le luxe, dépenser. Il compte pas aux dépenses. Et jeune homme qui s'installe à Détroit, cabinet de médecin, il vient déménager dans un quartier un peu plus huppé. Et tout à coup, la tuberculose, ça va être un peu comme, au fond, c'est un personnage, comme on le disait tout à l'heure, c'est un saint, une sorte de saint. Et il va avoir son chemin de Damas, on peut dire. Et tout à coup, toutes ses ambitions sont détruites parce que la tuberculose à l'époque, sans les antibiotiques, c'est presque certain que, en tout cas, une bonne chance qu'on en meure. Mm-hmm. Et il va se retrouver donc au sanatorium dans l'État de New York. Et le temps de lire, le temps de méditer, il va même se mettre à la peinture. Il a un côté artiste assez développé. Et il va surtout découvrir, en lisant la littérature qui est à la bibliothèque du sanatorium, qu'il existe un traitement extrêmement risqué qui s'appelle le pneumothorax artificiel, qui consiste à injecter de l'air dans la plèvre pour que le poumon s'affaisse. Et ça permettait, semble-t-il, au poumon de se reposer, oui, et, dans certains cas, d'en guérir. Et il va en guérir. Donc, ça va être un peu sa renaissance. Il va ressusciter, mais il va surtout, lui qui est tellement engagé, comme un bon chrétien comme il a été formé, il va décider d'engager sa vie pour défendre ces nouvelles techniques et surtout sauver le plus de vie possible à un moment où c'était moins commun. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, il entre dans une période, peut-être la plus longue période de stabilité de sa vie professionnelle, entre guillemets. Il va s'installer quelques années à Montréal. Il arrive en 1928, devient donc et développe une bonne réputation de chirurgien thoracique. De quelle manière il va s'illustrer? Alors, ce qui l'amène à Montréal, premièrement, c'est pas Montréal, hein. C'est surtout cette volonté de devenir un grand chirurgien. C'est un ambitieux quand même. Et il y a le docteur Archibald qui est un chirurgien thoracique à Royal Victoria, qui justement connaît très bien ces nouvelles techniques. Alors, qui va l'accepter comme assistant. Et c'est comme ça qu'il va se apprendre les nouvelles techniques, toujours en étant aussi excentrique, emmerdant pour ses collègues. Et lui, venant de ce monde de brancardier, de la guerre, c'est un peu un médecin de brousse, hein, qui, oui, ose les choses. Il veut sauver les gens, donc il est prêt à prendre des risques, alors que Dr. Archibald, c'est plutôt un conservateur comme ses collègues. Alors, crise qui s'ensuit et il va se retrouver à la porte après deux ans, mais il va quand même avoir appris très bien son métier. Oui. Et puis sa réputation se construit petit à petit. Un des côtés qui est assez intéressant, un peu moins connu, je pense, de Béthune, c'est son côté innovateur, inventeur. Il va perfectionner des outils chirurgicaux. Il va en inventer carrément. On écoute le docteur Fernand Hébert en parler dans un documentaire de l'ONF réalisé par Donald Britton en 1965. Souvent, il remarquait que certains instruments n'étaient pas adéquats. Or, en visitant des magasins de fer, il trouva des outils qui pouvaient s'adapter à la chirurgie. Et là, il prenait l'outil qui faisait son affaire et il l'emmenait chez un forgeron, il le faisait modifier à son goût et créait un instrument chirurgical nouveau. Celui qui est encore employé, le castotome, un instrument pour couper les côtes, couper les apophyses transverses des vertèbres, et a été calqué sur l'instrument qui sert à couper chez les forgerons les boulons avec un grand manche et un ciseau court. Il en a certainement inventé, modifié des outils pour en faire des instruments, au-delà de 25. Et ces instruments étaient tellement bien conçus qu'une grande compagnie américaine n'a pas hésité un instant à acheter le brevet et à les mettre sur le marché. Donc, ce côté inventeur, où il invente, il perfectionne des instruments chirurgicaux, ça se passe à Montréal. Il va se retrouver, parce que vous nous disiez que ça va mal, il y a un conflit, mais il reste à Montréal. Il se retrouve à Sacré-Cœur. À Sacré-Cœur, un hôpital catholique francophone dirigé par des religieuses. Imaginez-vous le choc culturel, c'est incroyable, mais c'est un homme qui va être aimé. Il va surtout rayonner beaucoup et faire rayonner Sacré-Cœur et former cette jeune équipe de chirurgiens, parce qu'il n'y avait pas vraiment de département de chirurgie thoracique à un moment où la tuberculose tue énormément de francophones, entre autres. Mm-hmm. Puis ce qu'on vient d'entendre, c'est une belle image, mais ça montre qu'il est vraiment de ce côté-là, de l'innovation, oui, dans la pratique, dans les travaux de recherche, dans les outils qu'il utilise pour opérer. C'est un artiste, ouais. Un artiste de la chirurgie. Puis dans sa recherche, il y a évidemment tout ce côté médecine sociale qui va arriver assez vite pendant qu'il est à Montréal. Ça commence un peu au sanatorium, cette réflexion qu'il a sur qu'est-ce que c'est que la médecine, qu'est-ce que c'est que la maladie, en fait. On écoute à ce propos le journaliste Jean Paré à l'émission Présent en juin 1973. La médecine, pour lui, c'était aussi préventif. Il vivait dans le centre sud de Montréal, parmi les Canadiens français qui, eux aussi, étaient en chômage à l'époque. On était dans les années 30. Alors, il s'est rendu compte que le système, la machine économique, la machine sociale, fabriquait, à coup de mauvaises conditions de travail, de taux dits, de mauvais logements, d'une alimentation déficiente, il s'est rendu compte que la société fabriquait des malades. À ce moment-là, on n'avait pas des statistiques partout, mais il y a certaines villes qui en avaient, comme la Chine, par exemple. À la Chine, il y a un enfant sur trois, en 1935, qui n'atteignait pas l'âge d'un an. C'était les taux de mortalité infantile identiques à ceux de Madras ou de Bombay ou de Calcutta en Inde. Alors, on ne peut pas s'imaginer que le capitalisme du temps avait le sourire Pepsodent qu'on lui connaît aujourd'hui. Quelle vision de la médecine sociale, Jean-François Leclerc, il va développer ici, à Montréal? Ah, c'est vraiment Montréal qui va le transformer en homme sensible à l'injustice et charitable, en socialiste et finalement en communiste, parce qu'il va fréquenter des artistes. Il va fréquenter Marion Scott, Frank Scott, qui est le mari de Marion Scott, qu'il aime pourtant, qu'il aimerait marié pratiquement, mais mm-hmm. Ça va être un peu difficile. Et Léa Robach, Fred Rowe, donc toute cette mouvance socialiste, communiste, qui était très, très forte à Montréal pendant les années 30, évidemment, la crise économique. Montréal, c'est pas seulement les files d'attente aux sucres populaires, c'est aussi extrêmement de brassage d'idées. Oui. Et il va être au milieu de ça et il va prendre conscience graduellement et surtout après un voyage en Russie au moment d'un congrès, un important congrès de médecine, où il va se rendre compte que la médecine socialisée, elle est possible, oui, à côté d'un système capitaliste qui rendait bien médecine gratuite, médecine accessible à tous. C'est ça. Alors, il va finir par être communiste, pas tellement. Il est un individualiste quand même. Mm-hmm. Mais son choix, c'est vraiment un choix parce que ça lui semble un outil incontournable pour faire son travail. Mais évidemment, ces belles idées-là vont tomber un peu à plat. Le Canada n'est pas encore rendu là, ce qui va le décevoir amèrement. Là. Toute cette idée de médecine sociale, accessible, gratuite, ça ne marche pas au moment où il fait la promesse. Lui, il le fait dans sa propre pratique. Il reçoit des gens sans leur demander quoi que ce soit quand ils n'ont pas d'argent, mais ça reste à peu près là. Le côté globe-trotteur, on va terminer cette émission là-dessus. Ça commence en 1936. Il décide, il est à ce moment-là officiellement communiste depuis 1935. Il a adhéré au Parti communiste du Canada. En 1936, il part se joindre au mouvement républicain en Espagne. Pourquoi il décide de partir en Espagne? Pour tous les socialistes et communistes de l'époque, tout se joue en Espagne. Donc, le combat contre le fascisme, on le gagne ou on le perd, et ça va être en Espagne, parce que Général Franco, les nazis, bombardement, Guernica, extrêmement, une guerre civile extrêmement violente, et c'est ce que les gens se disent, si on ne réussit pas, c'est la fin de l'Occident, la démocratie. Et il va se rendre là, donc développer des unités de transfusion sanguine, encore l'innovateur, mm-hmm. Mais il va... L'unité mobile, ouais, qui se promène, qui s'en va près des fronts, prennent soin des réfugiés et tout ça. Il va se faire reconnaître pour ses talents, comme partout dans le monde, mais aussi pour son côté irascible, et il va finir par être pratiquement expulsé, même par les gens de gauche, ouais, et le gouvernement républicain, parce qu'il dérange. Il va revenir et il va continuer évidemment de militer, de donner des conférences, de recueillir des fonds pour aider les républicains en Espagne. Mais on l'a dit, cet homme-là ne tient pas en place. Non. En 1937, il part en Chine. Ce sera son dernier voyage. Qu'est-ce qui le pousse à partir en Chine? Bien, c'est l'attaque d'une autre tête de l'hydre fasciste mondial. C'est le Japon qui attaque la Chine, Shanghai, des violences meurtrières, populations civiles qui sont massacrées. Alors, par coup de tête, hein, c'est un missionnaire, au fond, c'est un mm-hmm. missionnaire, c'est un saint, c'est quelqu'un qui cherche l'extrême, le combat, et il va décider de s'en aller en Chine. Il va rencontrer Zhou Enlai, imaginez-vous, Mao Tse-tung. Ouais. Ça se fait assez vite. Là, puis il va leur demander, en fait, parce qu'effectivement, il veut être sur la ligne de front. Il dit à Mao, parce qu'au début, il n'est pas sur le front, il dit « Je veux partir au front ». Écoutez le docteur Ma Aide, qui est d'origine libanaise, qui a travaillé avec Béthune en Chine, qui raconte cet épisode à l'émission Le Grand Carrousel, animée par Jacques Houde en 1979. Le Norman Béthune, il est venu à Yang'an, et puis c'est à ce temps-là que je l'ai rencontré pour la première fois. On a accueilli le docteur Béthune comme un grand chirurgien, renommé pour la chirurgie thoracique. Alors, quand il arrive à Yang'an, c'était trop près de... C'est pas trop près de la front, alors il veut aller beaucoup plus proche que ça. Et il a demandé ça à le président Mao Zedong. Et c'était pas très facile d'aller derrière les lignes comme partisan parce qu'il n'y avait pas des endroits fixes. On a pensé que ça sera trop difficile pour lui. Et puis, on a parlé avec lui beaucoup de temps, on lui expliquait c'est difficile et tout ça, mais il était très déterminé. Il dit un soldat et un médecin doivent être au front. Rester en arrière, c'est pas pour moi. Il était en Chine en tous, c'était 23 mois. Seulement 23 mois? 23 mois. Mais dans cette période, il a fait des choses de grands efforts. Trop difficile, ça ne se peut même pas dans le cerveau de Norman Béthune. 23 mois seulement en Chine, et pourtant, oui. Après sa mort, il va mourir en Chine. Il est rapidement considéré comme un héros de la Révolution. Pourquoi? Bien, c'est qu'il est associé à ce combat qui mène à la Révolution et c'est un personnage tellement hors du commun. Par exemple, en 69 heures, il va faire 115 opérations. C'est un marathonien de la médecine qui forme, et il va surtout aimer les Chinois. Et eux vont le retenir. Donc, oui. Il y a un amour très profond. Et les Chinois eux-mêmes vont l'aimer. Donc, c'est cette relation-là très particulière aussi qui va marquer les Chinois. Adhérer à l'idéal révolutionnaire, aussi toute cette idée d'abnégation hein, qui va être beaucoup associée à Béthune. C'est vraiment ça qui rejoint, au fond, ses racines profondes, familiales, presbytérienne et je pense que bon, c'est lui rendre hommage que de dire que tout ce qu'il a cumulé au cours des années, ben au fond, ça va faire Norman Béthune. Il est lui, il est nous, il est Chinois, il est tous ceux qu'il a rencontrés dans sa vie. Jean-François Lettler, directeur du Centre d'histoire de Montréal, merci infiniment de votre participation à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.